Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le principe de la réussite dans les activités artistiques? Comment l'impératif d'originalité dessine-t-il une compétition instable via la différenciation individualisatrice? Demande le sociologue Pierre-Michel Menger. La production et la réussite artistique sont-elles totalement arbitraires? Comment jouent-elles de l'imagination ou des caprices du goût? Quelle relation au modèle dans un système qui valorise radicalement l'originalité? L'artiste met-il en avant sa facilité ou son labeur créateur? Pierre-Michel Menger nous livrera d'ailleurs une belle citation de Roland Barthes sur la fabrication de l'imagerie de l'écrivain artisan au milieu du XIXe siècle. Quand la valeur travail, écrit-il, remplace un peu la valeur génie. Je profite d'ailleurs de cette évocation rapide de Roland Barthes pour vous rappeler que c'est sa voix que vous entendez dans le générique. C'est lui qui voit dans le Collège de France une ruse de l'histoire qui permet aux chercheurs de rêver tout haut sa recherche. Belle définition de l'art du professeur dans l'institution pluriséculaire. Et d'art, il est justement question cette semaine. Comment l'art est-il émergé dans l'évaluation? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, nous entraîne dans une grande et passionnante enquête à laquelle il consacre 2 années de cours sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». La semaine passée, le sociologue a interrogé les difficultés de définition, la longue histoire et l'origine de la notion de talent de l'Antiquité à nos jours. Alors que nous vivons dans une économie de la connaissance où le capital humain est plus précieux que le capital matériel, comme il le rappelait dans sa grande introduction, le vocabulaire du talent connaît un immense succès et la notion du talent s'est diffusée au-delà des arts, du sport et du monde académique. Le monde du travail, inséré dans une économie globalisée, vit de grandes mutations où le modèle de croissance par l'innovation joue un rôle majeur. Or, ce modèle valorise et survalorise les qualités cognitives ou d'invention, rappelle aussi Pierre-Michel Menger. L'entrée de l'ingénieur et des métiers liés à l'informatique, comme nous le verrons dans les 2 prochains cours, dans la nomenclature des professions créatives, est tout à fait significative de ce point de vue. Le sociologue souligne également le principe de compétition qui va avec la notion de talent et il analyse les inégalités, à commencer par les inégalités de réussite qui l'accompagnent. Le monde des arts est un des creusets de l'usage massif du vocabulaire du talent. Dans le cours précédent, Pierre-Michel Menger a analysé comment les réformateurs et les philosophes des Lumières s'étaient approprié la notion de talent en l'associant à la vertu dans le contexte de la remise en question de la société d'ordre et de lignage. Et il s'est intéressé à la façon dont le monde militaire, au XVIIIe siècle, a tenté de mettre en place un système d'évaluation et de détection des talents. Dès lors, comment la valeur talent devient-elle complémentaire de celle de la motivation et du mérite ? Et nous gagnons le Collège de France le 10 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, la question du talent dans les arts et les industries créatives. Dans l'article talent de l'encyclopédie, pour revenir encore un instant à cette source, puisque c'est un tournant important dans l'histoire et l'usage social de ce vocabulaire. Dans l'article talent, l'encyclopédie, l'article est anonyme d'ailleurs, il n'est pas dû à Louis de Jaucourt, ou alors il ne s'est pas désigné comme l'auteur. En tout cas, l'encyclopédie donc caractérisait, conformément à l'étymologie que j'avais déjà rappelée, le talent d'abord comme une aptitude singulière, je cite, à faire quelque chose, et soit que cette aptitude soit naturelle, soit qu'on l'ait acquise. Alors, la définition du talent et l'imputation de talent sont associées par l'article à des domaines particuliers d'exercice de cette aptitude, tels que les arts libéraux ou mécaniques, où, disait l'article, sont engagées des capacités de l'esprit ou celles du corps. Alors, pour l'esprit, c'est lettres, musique et sciences, et le corps, c'est danse et équitation, ce sont les exemples, et dans lesquelles la supériorité relative est manifestée et célébrée, qu'elle soit acquise, dit l'article, soit par un effort violent, on peut penser à des entraînements violents en danse classique ou en équitation ou en sport, soit grâce à un don autorisant la plus grande facilité de développement de l'aptitude concernée. Mais l'article, ce qui est intéressant, hiérarchise aussi très fortement les deux modalités qui sont distinguées, c'est-à-dire le talent qui est une suite d'une heureuse disposition et d'une grande facilité à se développer. Ce talent-là appartient plus à la nature, il est plus vif et plus actif. Celui qui s'acquiert, au contraire, dit l'article, sans l'effort, le travail, et ne s'élève jamais au-dessus du médiocre. Alors, c'est une des origines de cette distinction que j'avais utilisée à la suite de David Byrne dans son travail sur les carrières militaires pour contraster les deux conceptions du talent qui émergent ici. La vision du talent qui est popularisée fortement par le romantisme, mais qui était présente dès le XVIIe siècle, dévalorise l'apprentissage au profit de la faculté d'invention et de création, dont la spécification des mécanismes est largement indéterminable. C'est pour ça qu'on la renvoie toujours à des origines énigmatiques et dont la localisation est tout à fait énigmatique aussi. Elle est référée à la fois à l'intimité de l'individu, ce qu'il définit singulièrement, et à une causalité naturelle de l'allocation aléatoire des capacités individuelles, donc à des forces dont l'individu n'est pas responsable, mais dont il devient le dépositaire. C'est le fameux vocabulaire du don, ou de la grâce divine, ou de la grâce naturelle. Tout ça fait système. Évidemment, cette conception-là, elle convient particulièrement aux activités qui maximisent l'invention, l'originalité, mais aussi l'idiosyncrasie du comportement et la variabilité des projets. Retenez toutes ces différentes dimensions, elles feront progressivement système. Tout ça, c'est exactement le cas dans les arts, et depuis longtemps, et c'est ce que je montrerai aujourd'hui. Mais il y a évidemment l'autre définition qui émerge de cet article et des travaux que j'ai évoqués la fois dernière, et qui s'applique à des activités qui sont plus routinières, dans lesquelles il y a une morale quotidienne de l'effort, qui doit être à la fois sollicité, observable et mesurable, et des activités dans lesquelles l'exemplarité du comportement est une vertu individuelle, mais aussi une morale collective et une morale de l'organisation, à vrai dire, qui doit avoir un fort effet d'entraînement. Et de fait, dans les carrières militaires que j'avais examinées avec ses collègues historiens, le talent désigne cet ensemble de qualités à acquérir, de dispositions à développer pour le travail, militaire en l'occurrence, et un capital individuel de capacités acquises qui justifie l'imputation différentielle de valeur et la progression légitime de carrière. Dans ce cas, évidemment, la formation initiale et nous avions vu que que le monde militaire est un de ceux qui ont inventé des technologies de détection et de sélection des talents conduits vers des écoles supérieures beaucoup plus tôt que d'autres univers. Ils ont été pionniers à cet égard. Donc la formation initiale et la formation acquise sur le tas sont des réquisites sur la base desquelles peuvent se dérouler ces carrières plus ou moins brillantes, du moins si les candidats aux emplois, et notamment aux emplois supérieurs, ne sont pas mis d'emblée sur des voies inégalement ascendantes en fonction de leur capital d'ancienneté. C'était le cas pour les armées à propos de la réforme voulue par le maréchal de Ségur, qui distinguait deux filières de carrière en fonction de l'origine et de l'ancienneté dans la noblesse. Vous pouvez faire résonner ces termes dans des contextes d'organisation en général, qui sont ceux qui maximisent à la fois des recrutements sur la base de la formation, mais aussi des espérances de carrière sur la base de toutes sortes de dispositions qui sont engagées individuellement et à fort entraînement collectif. En ce sens, numéro 2, donc, qui convient au monde des organisations, et notamment celles qui connaissent des hiérarchies très strictes, et l'armée en est un cas, la valeur du talent est strictement complémentaire de celle de la motivation ou du mérite, et son adoption nous met sur la voie d'une sécularisation, en quelque sorte, des vertus militaires de l'honneur et de la bravoure. Hors de leur association aux valeurs et aux héritages transmissibles de la noblesse, la vertu, tout comme le mérite personnel, suppose donc l'apprentissage, l'endurance, le courage, les dispositions à l'effort et à l'engagement qui sont acquis et non attribués par l'origine familiale. Alors maintenant, venons-en aux arts. Au cours du XVIIIe siècle, les activités de création, invention, création artistique, entrepreneuriat artistique aussi, sont entièrement valorisées selon le sens 1 de la définition de l'encyclopédie. Le talent a une origine individuelle, il se déploie hors de l'activité en organisation, il est même la signature de l'individualité, il permet de faire entendre la part naturelle, entre guillemets, d'individualité, ce qu'on appelle dans l'étymologie « l'ingenium », c'est-à-dire ce qui appartient en propre à l'individu et qui l'accompagne en quelque sorte, qui est sa signature biographique pour toute son existence. Et il permet de faire entendre cette part d'individualité comme un potentiel dont tous les individus sont dotés. Et donc il est la critique, évidemment, des inégalités transmissibles par voie de lignée et d'héritage, comme dans une société à ordre d'ancien régime. La question qui se pose maintenant, c'est... quel est donc le principe de réussite dans de telles activités créatrices? Si ce principe était entièrement définissable, évidemment, il pourrait être générateur de réussite lignagère, exactement ce qui se passe dans les sociétés que combat l'usage du vocabulaire du talent dans la philosophie des Lumières. Donc, s'il était entièrement définissable, il serait générateur de réussite, soit par l'héritage strict, soit par, mettons, des comportements d'imitation qui sont assurés de réussir, puisqu'on aurait la formule. La réussite serait alors subordonnée à un principe supérieur et à l'autorité de ce principe et à l'autorité des institutions et des hiérarchies qui sont garantes du pouvoir et du respect de ce principe. Par exemple, l'autorité d'un maître, l'autorité d'un style auquel chacun devrait se rallier, l'autorité d'une école, l'autorité d'un groupe, l'autorité d'une institution. Et il existe des incarnations de toutes ces figures, mais qui ne sont jamais, je le montrerai, capables de contrôler la totalité du système d'action dans les mondes où on maximise la variabilité et l'originalité. Précisément, tout ceci doit perpétuellement être remis en cause, ces mécanismes principiels d'autorité et de contrôle, ça doit être remis en cause pour que le jeu soit fondé sur un principe de compétition par l'originalité ou la non-imitation et non pas sur la subordination à des règles. Nous sommes ici vraiment au cœur de ce qui fait la caractéristique même de ces domaines comme les arts. Le principe de l'originalité, c'est le principe de la différenciation individualisatrice qui n'est d'ailleurs pas du tout exclusif du principe de concurrence. On a même fait des arts le creuset d'une théorie de la compétition monopolistique imparfaite, c'est-à-dire chaque artiste est monopoleur de son œuvre, en quelque sorte, il détient seul les qualités nécessaires à la production de cette œuvre, et cette œuvre ne ressemble à aucune autre, du moins c'est comme ça que ça doit être fait, sinon il y a plagiat, et donc on ne peut pas substituer, donc c'est une concurrence qui est imparfaite. Ce sont des thèses comme celle de Chamberlain ou de John Bain, qui ont été ensuite développées par Kelvin Lancaster et d'autres. Si l'artiste est un être supposé de talent inné, c'est, selon un schéma argumentatif qui a perduré si longtemps, parce qu'il crée quelque chose qui n'obéit pas à des modèles. Sinon, le travail créateur serait imitatif et répétitif, et aucun flux ni aucune cascade de variations significatives et cumulatives dans la production artistique et d'innovation ne serait observable. Donc, l'indétermination de la réussite suppose que les écarts de réussite entretiennent un rapport suffisamment lâche avec la formation reçue, a fortiori si cette formation est très normative, organisée, longue et technique. Les vecteurs qui sont responsables tout à la fois de l'autonomisation des professions artistiques, un schéma classique d'évolution qu'ont beaucoup exploré les sociologues, pour qu'une profession, un domaine d'activité se renforce, il doit s'autonomiser progressivement. C'est une fameuse thèse weberienne. Donc les vecteurs qui sont responsables de cette autonomisation des professions et de la dynamique d'évolution de la production, à savoir la différenciation et l'originalité, imposent donc une toute autre voie que l'héritage et le respect des modèles, alors même qu'on est dans des mondes qui sont extraordinairement soucieux de patrimonialisation et de transmission. Ensuite, comment justifier que la production qui est créée puisse apparaître comme quelque chose qui n'est pas le produit d'une simple fantaisie individuelle ou d'un jeu individuel plus ou moins gratuit? La production de l'artiste et sa réussite sont-elles totalement arbitraires, jouées de l'imagination de l'artiste ou bien produits des caprices de goût des publics les plus influents? Et comment des œuvres originales peuvent-elles être données en modèle? C'est exactement ce genre de question qu'a posé par exemple Emmanuel Kant dans la troisième critique, celle de la faculté de juger, qui était précisément destinée à récuser l'objection selon laquelle une création sans concept, c'est une des manières dont il définit l'art, c'est-à-dire non déduite d'un schéma initial entièrement spécifiable, donc l'objection serait que cette création serait une pure fantaisie insignifiante. Et sa solution, c'était de dire que les règles de production, qui ne sont pas impératives, elles sont données à ce qu'il appelle le génie, par la nature, dans la formulation kantienne, c'est-à-dire par une causalité dont l'individu est le réceptacle et l'instrument, et avec lesquelles, ces règles, il crée des œuvres qui peuvent être données en exemple, mais pas en modèle. Deuxièmement, aucune conception de l'artiste et du travail artistique n'échappe au dilemme talent-invention contre talent-apprentissage et effort. Celui que je trouvais dans cette notice de l'encyclopédie. Si l'accent est mis sur la composante talent-invention, la conception peut basculer très vite dans la naturalisation des propriétés génératrices de l'invention, c'est-à-dire les fameux arguments du don, du fait de l'invocation fréquente d'une loterie des chances initiales, loterie génétique, loterie sociale, loterie du hasard, des circonstances. On y reviendra plus tard. À l'inverse, si l'accent est mis sur l'apprentissage et l'effort, la conception de l'art est certes resocialisée, mais l'originalité risque d'être minorée. Ou alors, elle sera expliquée de manière entièrement exogène, par exemple par l'influence de choix de public ou par la valorisation excessive de petites différences. Alors, pourquoi donc valoriser cette dimension du don et de l'invention, comme dans l'article de l'encyclopédie ? En fait, cette conception qui met en avant le talent-invention, dont l'origine est énigmatique, conduit à préserver le coefficient d'incertitude qui est inhérent à une compétition par l'originalité. Mais dans la conception de l'inégalité dans l'égalité, comme je disais à propos de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle et des idéologies qui se sont développées à partir de là, ce recours au talent ouvre aussi la voie, précisément à travers ces motifs, à la justification d'écarts considérables de réussite. Comme je l'ai dit déjà, le talent est une notion biface. D'un côté, il égalise, parce qu'il est destructeur d'avantages comme ceux des sociétés à ordre de l'Ancien Régime, et de l'autre, il est indexé sur des hiérarchies de réussite. Donc, il est aussi facteur d'inégalité. Toutes les variations existent sur le thème de la corrélation positive ou négative entre le talent et l'effort. Par exemple, l'admiration pour l'enfant surdoué qui a peu appris et qui franchit à toute vitesse les étapes de formation, comme on le voit par exemple dans des cas illustres, comme la figure emblématique de l'enfant surdoué qu'est Mozart et qui a donné lieu à des générations de petits surdoués mozartiens. Après le cas Mozart, il y a eu toute une vague qui a été très bien identifiée. Il y a un très bel article d'un démographe qui met tout ça en évidence. Il y a aussi la légende de l'artiste paresseux qui produit de temps à autre un chef-d'œuvre ou de l'artiste qui prétend tout faire sans effort. Mais on a aussi la conception inverse, qui est le labeur créateur. Roland Barthes a écrit dans un texte déjà ancien, Le degré zéro de l'écriture, il écrit ceci. Vers 1850, il commence à se poser à la littérature un problème de justification. L'écriture va se chercher des alibis, et précisément parce qu'une ombre de doute commence à se lever sur son usage, toute une classe d'écrivains, soucieux d'assumer à fond la responsabilité de la traduction, va se substituer à la valeur d'usage de l'écriture, une valeur travail. Alors commence à s'élaborer une image de l'écrivain artisan qui s'enferme dans un lieu légendaire comme un ouvrier en chambre et dégrossit, taille, polie, sertit sa forme, exactement comme un lapidaire dégage l'art de la matière, passant à ce travail des heures régulières de solitude et d'effort. Cette valeur travail remplace un peu, j'aime bien cette nuance, un peu, la valeur génie. On met une sorte de coquetterie à dire qu'on travaille beaucoup et très longtemps sa forme. Plus tard, Paul Valéry, qui est inépuisable sur le sujet, opère même une définition du travail de l'artiste selon une sorte de comptabilité à l'envers. Le travail sévère en littérature est mesuré par le nombre de refus, le nombre des refus, des solutions que l'on rejette, des possibilités que l'on s'interdit. Je montrerai un peu plus tard dans l'exposé, comment accorder entre elles ces caractérisations d'apparence très opposées. Autre problème, toute situation de constitution d'une élite, et c'est ce que permet le vocabulaire du talent dans les arts, doit s'accompagner de tout un ensemble de justifications à partir du moment où les sociétés deviennent fortement égalitaires. Ces justifications permettent de légitimer des écarts de réussite et des qualifications des personnes qui sont dignes de reconnaissance, d'admiration et d'estime. Et ici vient une distinction que j'ai déjà utilisée entre un statut, les inégalités de statut, le statut étant fondé sur l'estime et la déférence, notamment livrée et délivrée par les pairs, d'un côté, et de l'autre côté, le pouvoir, qui est un contrôle sur autrui. Cette distinction permet de créer une double hiérarchie de valeurs. Donc, je résume à ce point, pour que le nouveau principe de réussite talentueuse soit acceptable, une solution doit être que cette réussite, génératrice d'écarts considérables d'admiration, donc de statut, soit incertaine et puisse même susciter en sa tension maximale l'argument fameux du « qui perd gagne ». C'est un argument typiquement romantique. Si j'échoue immédiatement ou pendant une partie importante de ma carrière, c'est en fait peut-être un signe que la postérité me rendra justice. Donc celui qui perd va gagner. Et à l'inverse, ceux qui gagnent trop vite risquent de perdre à long terme. C'est un argument qui est par exemple magnifiquement exploré par Jean-Paul Sartre dans son livre très touffu mais prodigieux sur Flaubert. Ou alors on peut avoir une autre solution pour rendre la situation incertaine qui va exactement dans le sens inverse. L'œuvre est certes originale, donc elle contient cette dimension d'incertitude. Elle est originale parce qu'elle est une combinaison originale, mais les éléments de cette combinaison préexistaient et l'œuvre n'est finalement qu'une recombinaison. Pas une nouveauté absolue, elle ne sort pas de nulle part. Il n'y a pas dans le monde de hors monde, on n'est que dans le monde qui existe et on combine et on recombine à l'infini des éléments qui étaient déjà là. C'est exactement le genre d'argument qu'utilise par exemple Pierre-Jean Proudhon dans sa fameuse controverse avec Lamartine au moment de la création du droit de la propriété littéraire et artistique. J'y reviendrai plus tard. Et ça fait partie des célèbres controverses sur la qualification de l'originalité. D'où vient-elle ? Est-ce qu'elle est une émergence de quelque chose qui est radicalement imprévisible et qui ne peut pas être localisé nulle part ? Ou bien est-ce qu'elle n'est que le fruit de recombinaisons infinies qui ont leur coefficient d'originalité mais qui ne peuvent pas prétendre en quelque sorte à la propriété d'émergence radicale ? Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger, la question du talent dans les arts et les industries créatives. Donc, j'ai fait apparaître dans ce début de ce cours des distinctions de domaines. J'ai contrasté les arts avec des organisations comme l'armée. J'ai fait apparaître des conceptions de ressources de l'individu. Est-ce que ce sont des dons? Est-ce que ce sont des dispositions? Est-ce que ce sont des efforts? Et j'ai fait apparaître des critères d'évaluation. Alors, il est temps de formaliser un peu le raisonnement en me concentrant, comme je le fais aujourd'hui, et donc la fois prochaine aussi, exclusivement sur le domaine des arts. Alors, je vais formaliser ce raisonnement en partant d'un modèle qui est inspiré assez librement de différents types de travaux, par exemple ceux d'un psychologue qui s'appelle Thich Chent Mihai, il a un nom un peu compliqué, de travaux aussi de Howard Becker, un sociologue bien connu qui a écrit des travaux importants sur les arts, et inspiré aussi des travaux de Pierre Bourdieu. Il s'agit de situer l'analyse de facteurs comme le talent, ou mieux le talent créatif, et même la créativité, qui à certains égards sont des équivalents, dans une configuration à trois dimensions. Les capacités de l'individu, les propriétés du domaine d'activité, et la communauté de professionnels, ou comme on dit, de gatekeepers, qui sont les gardiens du domaine, et qu'on peut appeler un champ, pour faire émerger les propriétés de relations et d'interconnaissance, mais aussi des propriétés de compétition. À travers les débats que j'évoquais antérieurement sur l'extension infinie ou excessive de l'usage de notions qui sont fortement ancrées dans quelques domaines particuliers, et le talent fait partie de ces notions qui ont été fortement exportées hors du domaine des arts, où elles ont été d'abord ciselées, ces notions, apparaît la dimension collective, en quelque sorte, qui est requise pour caractériser le sens de notions comme talent ou comme créativité, qui sont souvent accouplées. Je rappelle ici que le talent dans les arts importe certes, mais qu'il ne vaut pas grand-chose s'il n'est pas accouplé à cette autre force énigmatique qu'est la créativité. Et si on veut rebondir sur le problème de définir la créativité, il en va de la créativité comme du talent. Les tentatives sont innombrables et les résultats faiblement cumulatifs. Dans une revue de littérature parue dans l'Annual Review of Psychology de 2010, deux chercheuses, dont notamment Teresa Amabile, qui est une professeure de Harvard, psychologue bien connue, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de créativité, propose une exploration, une meta-review, une revue des, enfin, un article sur les articles, pour faire une synthèse. Et après avoir énoncé toutes sortes de problèmes de divergence théorique et méthodologique concernant la spécification de ce vocabulaire de la créativité et même la mesure possible du phénomène, problèmes qui sont exactement du même ordre que ceux qui concernent la définition du talent, ces deux auteurs avancent ceci. Si la plupart des chercheurs et des théoriciens s'accordent pour reconnaître que la créativité implique le développement d'un produit nouveau, d'une idée ou la résolution d'un problème qui a de la valeur pour l'individu mais aussi pour un groupe social, les psychologues ont eu beaucoup de difficultés à trouver un consensus pour fixer les composants définitionnels qui vont au-delà de ces critères de nouveauté et de valeur ou d'appropriateness. Donc, vous voyez, nous sommes un peu à la roue. Alors, dans la configuration triangulaire que j'évoque, je vais la détailler maintenant, ce qui est appelé domaine, c'est la somme des connaissances, des objets, des problèmes, des règles, des représentations, des techniques qui permettent de qualifier la nouveauté d'une réalisation et son originalité, sans référence à un fond, Vous ne pouvez pas identifier des variations significatives, évidemment. Sans référence à un système de convention, mettons, au sens où peut l'utiliser Howard Baker dans les mondes de l'art, sans référence à un corpus de réalisation identifié comme délimitant le domaine considéré et qui sont connus des participants, qu'il s'agisse de gastronomie, de sculpture sur bois, de composition musicale, de jardinage ou de culture des roses. Une de mes collègues de Columbia, Priscilla Ferguson, a fait des travaux extrêmement savants sur les compétitions de producteurs de roses. La variété des critères et la subtilité des classements et des critères pris en compte est considérable. Donc, elle mobilise évidemment un savoir qui doit être partagé. Et il existe donc un domaine qui est culture des roses et les compétitions qui sont liées à cette culture d'une fleur très particulière qui a un poids symbolique et économique tout à fait significatif. Les règles et les conventions font les exceptions. Et les conventions et les nouveautés supposent des conventions et des réalisations accumulées. Cette première condition qui est mise à la production d'une nouveauté identifiable en appelle une deuxième, c'est l'action collective de la totalité des acteurs du domaine qui produisent et qui ratifient des évaluations. Cet argument se trouve sous des formes théoriques très diverses qui varient selon qu'on injecte ou non des relations de concurrence et des spécifications des causes génératrices des prises de position évaluatives. C'est comme ça qu'on peut contraster la théorie des champs artistiques de Bourdieu et la théorie des mondes de l'art de Becker. Ces évaluateurs, qui sont aussi des gatekeepers, qui détiennent la capacité de reconnaître et d'admettre dans le domaine des entrants, des candidats à l'entrée, ces évaluateurs qui constituent donc un champ et qui y occupent des fonctions variées, qui sont critiques, enseignants, journalistes, conservateurs de musées, organisateurs de concerts, agents d'artistes, etc. Et y occupent aussi des fonctions et des positions souvent multiples, ce qui crée des interrelations extrêmement denses. Mais dans le domaine des arts, où il s'agit de nouveauté et d'originalité, ces gatekeepers et évaluateurs ne disposent pas de standards d'évaluation objectifs et convergents. Ils se fondent sur leur expérience, sur la culture accumulée par la fréquentation des œuvres, sur des savoirs acquis, bien sûr, sur l'histoire et les théories sur les arts, et aussi sur des échanges d'interprétations et d'informations, et sur des conflits d'interprétation incessants qui naissent, notamment à propos de ce qui est récent, nouveau, contemporain, conflits à travers lesquels ils mettent au point et consolident leurs critères de choix, leurs préférences et leurs croyances, et leurs paris argumentés. Le processus de sélection des innovations et des réalisations originales dépend de ces mécanismes, qui ne peuvent pas être entièrement spécifiables. Troisièmement, dans ce modèle tridimensionnel, évidemment, il faut faire jouer, et sans surprise, un rôle essentiel à l'individu. Parce que l'individualisation du travail artistique est une condition très ancienne et tout à fait essentielle de l'imputation de talent. La rémunération, l'attribution de réputation et aussi l'imputation de responsabilité, êtes-vous l'auteur, suppose des moyens d'identification distinctifs des actes de travail. C'est à la fois une affaire d'organisation et une affaire de marché. Car le travail dans ces mondes s'organise essentiellement à travers des réseaux de collaboration et d'échanges, et aussi à travers des enchaînements de projets. Et donc l'activité, si collective puisse-t-elle être, doit toujours pouvoir être décomposée en contributions individualisées, en génériques de noms et en listes de signataires d'œuvres. Et c'est ainsi que de la discontinuité des séquences de travail peut être extraite la continuité des carrières. Attester la part qui peut être attribuée à chacun dans un travail et son importance relative, c'est évidemment donner à l'activité son socle de reconnaissance individuelle, mais c'est aussi informer efficacement les communautés professionnelles sur les qualités et sur les responsabilités de chacun, artiste, contributeur, etc. Et le corrélat de l'individualisation, c'est évidemment l'évaluation. Le travail dans les arts est immergé dans l'évaluation. Le jugement, la comparaison, l'attribution différentielle de valeur sont les ressorts de l'allocation des projets, des emplois, des ressources et des carrières. La réputation personnelle, qui est fondée sur la somme vérifiable des réalisations accomplies et sur ce qu'elles promettent pour l'avenir, c'est ça l'essence d'une réputation, contient en effet l'information qui est nécessaire au fonctionnement de ce que les sociologues appellent des marchés professionnels, avec leurs caractéristiques bien connues, c'est-à-dire concurrence par la qualité et la virtuosité, transférabilité des compétences d'un contexte à un autre, rôle fonctionnel de l'estime des pairs, ce que j'appelais le statut par opposition au pouvoir, donc rôle fonctionnaire de l'estime des pairs, des honneurs, des distinctions, qui d'une certaine manière scellent l'influence de la communauté professionnelle par-delà les murs de chaque contexte ou de chaque organisation. D'où, évidemment, l'énorme concentration de l'attention et de l'intérêt sur les qualités des individus. Ces trois dimensions que je viens d'indiquer sont évidemment en interaction. Une des manières de le vérifier assez simplement, c'est de se demander « mais quel est exactement le périmètre des arts ?» Autrement dit, quel est ce fameux domaine ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, je vais l'illustrer rapidement en explorant deux questions. Quel est le périmètre des professions artistiques et qui donc peut être comptabilisé comme professionnel? C'est une question qui intrigue les sociologues parce qu'elle combine des réflexions sur les catégories, la construction sociale des catégories, sur le dénombrement, mais aussi des réflexions sur l'évolution des droits attachés à des titres et des identités. Donc, je fais référence ici à deux des trois composantes du modèle, c'est-à-dire le domaine et les individus. La conclusion que j'en tirerai, que je vous donne tout de suite, y compris pour l'évaluation d'évolutions très récentes sur les marchés du travail artistique, c'est que le talent peut être le nom de combinaison flexible de caractéristiques, formation, capacité, mode de vie, etc., et que la fameuse créativité qui a donné son nom aux industries créatives fait partie de ces caractéristiques, mais que donc elle crée des difficultés pour délimiter la population des professionnels et même les frontières du domaine à mesure qu'on substitue à une définition reçue des arts, une définition extensive fondée sur des dispositions et des talents. Alors, qu'est-ce que je veux montrer ? Je me sers de deux exemples, de travaux issus de la statistique américaine et de la statistique française. Quand on examine le contenu de la catégorie professionnelle des artistes dans un certain nombre de pays, je vais me limiter à trois exemples, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, dans lesquels on a développé des recherches statistiques systématiques sur les caractéristiques socio-démographiques et les revenus des professions artistiques, il y a un problème de taxonomique qui est posé par l'objectivation statistique des professions artistiques. Les professions artistiques figurent toujours dans un ensemble plus vaste, celui des professions culturelles, elles-mêmes rattachées au, si j'emploie le vocabulaire américain, « professional, managerial and technical workers », ou si je prends le vocabulaire français, rattaché aujourd'hui aux cadres et professions intellectuelles supérieures, et pour une petite partie d'entre ces professions, à des professions intermédiaires, en tout cas en France. La composition de l'ensemble de ces professions est assez semblable dans les trois pays. Les professions dotées d'une identité artistique depuis longtemps stabilisée, les écrivains, les danseurs, les acteurs, les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les architectes, figurent au centre du groupe. Leur ont été progressivement rattachées des professions qui étaient antérieurement considérées comme techniques, artisanales ou commerciales, les réalisateurs de cinéma et de télévision, les photographes, les graphistes, les illustrateurs, les stylistes, décorateurs, les designers, les artisans d'art. Ensuite, on a procédé à une liaison entre art et culture pour inclure des métiers liés à la conservation et à la documentation, par exemple les bibliothécaires, les archivistes, les conservateurs, et aussi à l'enseignement, les professeurs d'art. On a aussi incorporé des spécialités ouvertement commerciales et des spécialités de travail appliqué qui viennent de professions anciennement ou nouvellement qualifiées d'artistiques, par exemple les artistes commerciaux selon une dénomination utilisée au Royaume-Uni, les designers industriels ou les métiers de la mode. Et on a absorbé aussi différentes professions de la presse et des médias. Les journalistes et les présentateurs font partie du domaine. Enfin, on a rattaché des professions de la production et de la gestion des industries culturelles, les managers des spectacles, les producteurs de spectacles vivants, de cinéma, d'audiovisuel, les cadres, ouvriers et techniciens des spectacles. J'ai pris la nomenclature européenne de 2007 d'Eurostat, qui vous donne la liste complète de la catégorie des professions culturelles avec en leur centre les professions artistiques. Donc on a un triple principe de composition de cette catégorie. On a une division fonctionnelle, les métiers de création et d'interprétation sont au centre de l'ensemble, qui comprend aussi des fonctions de patrimonialisation et des fonctions techniques et technico-artistiques. On a un principe de hiérarchisation. Les professions supérieures sont distinguées des professions intermédiaires. Et professions intermédiaires, le clivage tient à la fois d'une division verticale du travail et d'une hiérarchie qui place les activités créatives à des fins industrielles et commerciales plus bas que les activités purement et artistiques. Je rappelle ici que la justification qu'avait fournie l'INSEE à sa distinction entre des artistes et des artistes appliqués ou des artistes commerciaux, c'était que les premiers pratiquaient un art dans le régime de la finalité sans fin, de la gratuité, dans la recherche esthétique de l'originalité, ce qui permettait de les isoler spécifiquement. Autrement dit, les statisticiens de l'INSEE ont lu avec attention la philosophie d'Emmanuel Kant. Je ne vais pas rappeler, parce que c'est assez fastidieux, évidemment, les mouvements de reclassement qui ont fait évoluer les nomenclatures et donc le périmétrage du domaine. Mais juste deux petits exemples. En France, vous le savez peut-être, mais entre 1954 et 1982, les artistes avaient été classés avec le clergé, l'armée, la police, les professions sportives, et certaines professions inclassables comme les voyants et les radiesthésistes. Bon. Il y a eu ensuite quelques évolutions mineures, mais depuis les années 80, les artistes ont été, comme je l'ai dit, reclassés dans une nouvelle nomenclature dans laquelle les sociologues ont joué un grand rôle, la fabrication de cette nomenclature, notamment Laurent Thévenot et Alain Desrosières. La nomenclature a classé les artistes parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures, avec un certain nombre de problèmes de décristallisation de statut, c'est-à-dire qu'un certain nombre des caractéristiques des artistes sont tout à fait exceptionnelles par rapport à la moyenne de la catégorie, puisqu'en termes de revenus et en termes, par exemple, de niveau de sous-emploi ou de chômage, Ils sont exactement en bas de la catégorie et donc plus proches des professions intermédiaires que des professions supérieures. Mais je laisse ce problème de côté pour l'instant. Il y a un autre exemple qui est assez intéressant. C'est un travail qui a été fait par un statisticien qui s'appelle Bradshaw et qui a voulu évaluer les effets provoqués par la révision du système de classification des artistes qui a été adopté en 1980 aux États-Unis. On a modifié moins les intitulés des professions que on a choisi d'inclure, d'exclure ou de redistribuer différentes spécialités professionnelles au sein des catégories qui avaient une appellation générique. Et Bradshaw a examiné la part de l'accroissement démographique de la catégorie des professions artistiques qui est imputable aux modifications de la composition de la catégorie et des sous-catégories. Autrement dit, quand on observe une croissance dans les effectifs, mais qu'en même temps la nomenclature a bougé, qu'est-ce qui se passe au juste ? Est-ce que c'est un effet de la nomenclature ou est-ce que c'est un effet de la dynamique de ces professions ? Ce que je veux retenir, c'est la leçon de méthode. La croissance des effectifs dans un domaine qui peut avoir une porosité intrinsèque, en quelque sorte, parce que les barrières à l'entrée ne sont pas fixées, par exemple, par une exigence de formation ou par un contrôle de la profession sur ses effectifs et sur ses règles d'admission, ce qui peut être le cas dans d'autres professions qui sont beaucoup plus fermées. Mais dans des mondes ouverts, et les mondes des arts sont des mondes ouverts, évidemment, la croissance des effectifs peut être forte, mais une part de cette croissance est imputable à des choix taxinomiques, autrement dit à des critères de définition et de délimitation d'un domaine. Évidemment, ce travail sur les taxinomies n'est rien d'autre qu'un processus social de redéfinition des frontières des professions et de requalification périodique de leur cohérence interne sous l'arbitrage des professionnels de la statistique, des mouvements démographiques aussi qui sont attestés par les observations. Tout ceci masque, toutes ces évolutions masquent un travail d'assimilation et de dissimulation. Quand on recompose, on inclut et on exclut. Et c'est ce qui donne évidemment à la carte des professions sa géographie évolutive dans la dynamique de lutte pour le contrôle d'aires, comme dit Andrew Abbott, de juridictions qui sont assorties soit à l'expertise, soit à la valeur sociale des actes de travail qui sont revendiqués. Et si vous associez à ces dynamiques-là des revendications de droits ou de systèmes de protection sociale, par exemple, quand on énonce les conditions d'éligibilité des professionnels des spectacles à l'assurance chômage, qui est particulièrement dérogatoire pour les intermittents du spectacle, il faut produire une liste des professions et des domaines dans lesquels on peut être habilité à exercer ou adopter ce type de protection sociale. Et les négociations sont extraordinairement denses et conflictuelles sur ces listes et les périmètres. Il y aurait une économie politique de la catégorisation professionnelle et sectorielle des arts à écrire sur la base de la définition et de la redéfinition constante de leur champ. On a un autre exemple qui a été beaucoup discuté, et y compris de manière extraordinairement critique dans la science sociale du pays en question, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a été un champion de la redéfinition des arts en industrie créative. L'origine vient d'Australie, mais elle s'est ensuite diffusée notamment dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Europe du Nord. Alors, dans les années 90, le Royaume-Uni a procédé à une requalification de l'action publique en direction des arts et il a distingué le patrimoine, heritage, et les creative industries, qui comprenaient dès lors l'architecture, la musique, les arts du spectacle, l'édition, le marché de l'art, les métiers d'art, la télévision et la radio, le film et la vidéo, la publicité, le design, la mode, les jeux vidéo, les logiciels et les services informatiques. Ça fait un ensemble vaste. Et pourquoi est-ce qu'on réunissait tout ça sous le vocable d'industrie créative ? Eh bien, l'argument était celui-ci. Une fois requalifiée en fonction de son contenu en créativité, la culture devient un secteur où sont recherchées et mises en œuvre des qualités qui sont également une ressource pour l'économie tout entière. C'est la raison pour laquelle sont associées aux arts des activités qui relèvent d'une définition tout à fait utilitariste et fonctionnelle de la production, mais qui doivent être exercées avec suffisamment d'invention pour ajouter un coefficient profitable d'originalité et d'innovation. Par exemple, le design industriel, la publicité, la mode, les logiciels, les services informatiques, qui, je viens de le dire, ont été incorporés dans ce périmètre. Alors, on peut évidemment dire que le domaine des arts constitue assurément un foyer remarquable de créativité, car il pousse si loin les exigences d'originalité, d'inventivité et de liberté à l'égard des contraintes et des modèles connus, qu'il semble reléguer au second plan les compétences techniques requises pour l'exercice d'une activité supérieure. Mais la créativité, selon cette conception nouvelle, est considérée comme un élément générique d'inventivité commun à l'ensemble des activités économiques, et notamment des activités qui incorporent en permanence la connaissance, son renouvellement et ses applications techniques dans des processus de production à des fins d'innovation et de différenciation compétitive. Et on peut noter au passage que, à travers cette évolution, les politiques culturelles sont devenues des politiques industrielles. Non seulement les arts devaient cesser d'être considérés comme des activités qui ne pouvaient s'épanouir idéalement qu'à l'égard des pressions du marché, ce qui d'ailleurs avait déjà été la doctrine de l'incorporation des industries culturelles dans l'agenda des politiques publiques dès les années 1980, en France aussi. Mais les arts et la culture doivent désormais légitimement occuper cette position d'avant-garde dont j'ai déjà parlé, cette position que lui assignait déjà Henri de Saint-Simon au début du XIXe siècle, quand il faisait de l'artiste, de l'ingénieur et de l'entrepreneur les trois héros des temps modernes. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 10 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent dans les arts et les industries créatives. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Je rappelle sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur » et son ouvrage publié en point seuil « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain » en 2014. Plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». C'est un ouvrage disponible également en édition électronique. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des enjeux de la notion de talent dans le monde des arts en compagnie de Pierre-Michel Minger et il sera question du génie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.